m'a raconté ça qu'on s'est rencontrés. Ah oui, oui. Je ne vais pas rester avec ce mec. Ah oui, oui. Parce que laisse tomber. Ouais. Ouais. Alors, la prochaine chanson, elle voulait dédier à Brigitte Fontaine. À Brigitte Fontaine et Lily Mathieu. Nous les paumés, nous ne sommes pas aimés, les grands bourgeois qui sommes dans la joie. Il faut avoir pour être à leur bout et un château. Ça ne fait pas le chiche, une casquette, ça donne aux gens malhonnêtes. Et c'est pourquoi quand les bourgeois noirs, ils disent en nous montrant du doigt. Et dans nous les garçons, il y a des façons, pas très catholiques. On a perdu quand on les rencontre la nuit. Qui fait du dégât, sitôt qui s'explique, et ça va mieux pour donner grand frisson qu'un mauvais garçon. Toutes les belles dames pleines de perles et de diamants, en nous croisant, nous désermais disant, oui mais demain, peut-être ce soir, dans nos musettes, elles viendront nous voir. Elles gâcheront comme des filles, en s'enroulant dans nos filles. Et nous viendrons sans l'avoir deviné, là que qu'elles osent murmurer. Oui, c'est un mauvais garçon, il a des façons pas très catholiques. Oh là, quoi de lui, quand on le rencontre la nuit. C'est un mauvais petit gars qui fait du dégât, c'est toi qui s'explique. Mais pas né pour donner grand frisson, un bonnet garçon. Comme c'est que j'étais enregistré, j'ai dit.